pêcheur d'Islande. Troisième partie. Chapitre 8. Un soir pâle d'août, la lettre qui annonçait à Yann la mort de son frère finit par arriver à bord de la Marie sur la mer d'Islande. C'était après une journée de dures manœuvres et de fatigue excessive, au moment où il allait descendre pour souper et dormir. Les yeux alourdis de sommeil, il lut cela en bas dans le réduit sombre à la lueur jaune de la petite lampe. Et dans le premier moment, lui aussi resta insensible, étourdi, comme quelqu'un qui ne comprenait pas bien. Très renfermé, par fierté, pour tout ce qui concernait son cœur, il cacha la lettre dans son tricot bleu contre sa poitrine, comme les matelots font, sans rien dire. Seulement, il ne se sentait plus le courage de s'asseoir avec les autres pour manger la soupe. Alors, dédaignant même de leur expliquer pourquoi, il se jeta sur sa couchette et du même coup s'endormit. Bientôt, il rêva de Sylvestre mort, de son enterrement qui passait. Aux approches de minuit, étant dans cet état d'esprit particulier aux marins qui ont conscience de l'heure dans le sommeil et qui sentent venir le moment où on les fera lever pour le quart, il voyait cet enterrement encore. Et il se disait « Je rêve. Heureusement, ils vont me réveiller mieux et ça s'évanouira. » Mais quand une rude main fut posée sur lui et qu'une voix se mit à dire « Gaos, allons, debout, la relève !» Il entendit sur sa poitrine un léger froissement de papier, petite musique sinistre, affirmant la réalité de la mort. Ah oui, la lettre, c'était vrai donc. Et déjà, ce fut une impression plus poignante, plus cruelle. Et en se dressant vite dans son réveil subi, il heurta contre les poutres son front large. Puis il s'habilla et ouvrit l'écoutille pour aller là-haut, prendre son poste de pêche.